Chapitre 26. Laissez-moi aussi jouer le rôle du lion. Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Si l'entreprise était hardie, Œil de Faucon en avait pleinement mesuré les difficultés. Ainsi, en retournant au camp, il combina les moyens de déjouer chez ses ennemis une vigilance et une circonspection qu'il portait, il ne l'ignorait pas, à un aussi haut degré que lui-même. S'il n'avait été retenu par la couleur de sa peau, Magua et le sorcier eussent été les premières victimes immolées à sa sécurité. Mais un pareil acte, quelque conforme qu'il pût être à la nature d'un Indien, lui semblait tout à fait indigne d'un homme de pur sang. Se fiant donc au lien dont il avait chargé ses captifs, il continua à marcher vers le centre des habitations. À mesure qu'il approchait, ses pas devenaient plus précautionneux et son œil vigilant ne laissait échapper aucun indice funeste ou favorable. À quelque distance des autres cabanes, il en vit une qui paraissait avoir été abandonnée avant d'être achevée, probablement faute de deux objets de la première nécessité, le bois et l'eau. À travers les fentes et les crevasses brillait une faible lumière, ce qui annonçait que, malgré sa construction imparfaite, elle était pourtant habitée. C'est sur ce point qu'il se dirigea, en général prudent, qui tâte les positions avancées de l'ennemi avant d'en venir à l'attaque principale. S'étant mis dans une posture semblable à l'animal qu'il représentait, Œil de Faucon s'approcha à quatre pattes d'une petite ouverture d'où il pouvait voir dans l'intérieur de la hutte. Il reconnut qu'elle servait de logis à David Lagame. C'est là que le maître de chant s'était retiré avec toutes ses afflictions, ses terreurs et son humble confiance en la protection du ciel. Au moment même où le chasseur aperçut sa personne dégingandée, lui-même, ou plutôt l'ours dont il avait pris le rôle, était le sujet des réflexions du solitaire. Bien que David ajoutât une foi implicite aux anciens miracles, il rejetait la croyance d'une intervention surnaturelle et directe dans les choses du monde moderne. En un mot, que l'âne de Balaam eût parlé jadis, il n'en doutait nullement, mais qu'il fût permis à un ours de chanter, sa crédulité n'allait pas jusque-là. Et pourtant, c'était un fait que lui affirmait le témoignage de ses oreilles si délicates. Il y avait dans sa contenance et dans ses manières quelque chose qui trahissait un trouble manifeste. Il était assis sur un tas de broussailles, dont il tirait de temps en temps quelques branches pour entretenir son feu, et il avait la tête appuyée sur son bras, dans une attitude de méditation laborieuse. Son costume était le même que celui que nous avons décrit. Seulement, il avait le chef couvert du tricorne en castor que la cupidité des Hurons avait dédaigné. Œil de Faucon, qui se rappelait comment David, hors de lui, avait abandonné son poste au lit de la malade, se douta de ce qui faisait l'objet de sa perplexité. Après avoir fait le tour de la hutte et s'être assuré qu'elle était entièrement isolée, sachant d'ailleurs que l'infirmité mentale de son locataire la mettait à l'abri de toute visite importune, il se hasarda à franchir la porte basse et à se présenter devant la gamme. Le feu les séparait, et lorsque l'ours supposé se fut assis sur ses pattes de derrière, il s'écoula près d'une minute pendant laquelle ils se regardèrent face à face sans proférer une parole. Cette surprise étrange et soudaine était trop forte pour que, nous ne dirons pas la philosophie, mais la foi du pauvre chanteur pût y résister. Il chercha son diapason et se leva avec une vague intention d'essayer un exorcisme en musique. « Monstre noir et mystérieux !» s'écria-t-il, en tâchant d'une main tremblante d'assujettir ses besicles et en recourant à sa ressource infaillible contre tous les maux, la version sacrée des psaumes. « J'ignore d'où tu viens ni ce que tu veux, mais si tu médites quelque complot contre la personne et les droits d'un des plus humbles serviteurs du temple, écoute le langage inspiré du roi prophète et repens-toi. » L'ours se serra les côtes dans un transport inexplicable. « Laissez là votre turlututu, répondit-il, et apprenez la modestie à votre gosier. Quatre mots d'anglais clairs et intelligibles valent mieux maintenant qu'une heure employée à brailler. »« Alors ? » demanda David, incapable de procéder à l'exorcisme qu'il avait projeté. « Qui es-tu ? Un homme comme vous, parbleu, et qui a dans les veines aussi peu de sang d'ours que vous-même. Avez-vous donc si tôt oublié celui qui vous a vendu la petite machine que vous tenez à la main ? Est-il possible ? » s'exclama le pauvre diable en respirant plus à l'aise, à mesure que la vérité se faisait jour dans son esprit. « J'ai vu bien des prodiges pendant mon séjour avec les idolâtres, mais un de cette force-là, pas encore. »« Attendez, attendez !» reprit œil de faucon en se découvrant la figure pour raffermir la confiance chancelante de son compagnon. « Vous voyez ici une peau qui, si elle n'est pas aussi blanche que celle de nos jeunes dames, ne doit sa teinte basanée qu'à l'air et au soleil. Maintenant, à nos affaires. » « Parlez-moi d'abord de la jeune fille et du jeune homme qui est allé si courageusement à sa recherche. »« Oh, ils sont heureusement à l'abri des tomahawks de ces coquins. Ah, ça, pouvez-vous me mettre sur la piste d'Uncas ?»« Le jeune guerrier est en servitude et j'ai grand peur que sa mort ne soit résolue. C'est pour moi un gros crève-cœur qu'une créature si bien douée meure dans son ignorance. J'ai fait choix d'un cantique. Pouvez-vous me conduire près de lui ?» « Cela n'est pas difficile, mais ne craignez-vous pas que votre présence n'ajoute encore à son infortune au lieu de l'adoucir ? Trêve de paroles et marchons !» Œil de faucon remit sa tête d'ours et donna l'exemple en quittant à l'instant même la cabane. Chemin faisant, le chanteur apprit à son compagnon qui avait la permission de visiter Uncas grâce au privilège de son infirmité prétendue et à la connaissance qu'il avait faite de l'un des gardes qui, parlant un peu d'anglais, lui avait paru apte à se convertir. Que le Huron eût compris les pieuses intentions de son nouvel ami, c'était fort douteux. Mais comme un sauvage n'est pas moins flatté qu'un homme civilisé de se voir l'objet d'attention particulière, celle de David avait réellement produit l'effet dont nous avons parlé. Il est inutile de parler de l'adresse avec laquelle le chasseur sut obtenir ces détails de la simplicité de David, ni de nous étendre sur la nature des instructions qu'il lui donna. La suite du récit expliquera tout cela d'une manière suffisante. La loge où l'on avait enfermé Uncas était située au centre même du village, et il était difficile de s'en approcher ou d'en sortir sans être aperçu. Mais il n'entrait pas dans le plan d'œil de faucon de se cacher le moins du monde, comptant sur son déguisement et sur son habileté à soutenir le rôle qu'il avait pris, il se rendit tout droit à la cabane et par le chemin le plus apparent. L'heure avancée de la nuit lui assurait, d'autre part, cette protection dont il paraissait faire si peu de cas. Les enfants étaient endormis, toutes les femmes et la plupart des guerriers étaient de retour chez eux. Quatre ou cinq de ces derniers seulement veillaient à la porte d'Uncas, observateurs prudents et attentifs des mouvements de leurs prisonniers. À la vue de David et de celui qu'il prenait pour leur sorcier le plus fameux sous un de ces travestissements ordinaires, ils leur laissèrent le passage libre. Cependant, loin de montrer aucune intention de se retirer, ils parurent au contraire disposés à rester pour être témoins des mystérieuses jongleries que leur promettait naturellement une telle visite. Dans l'impossibilité où était le chasseur de parler aux Hurons dans leur langue, il fut obligé de s'en remettre à David pour faire les frais de la conversation. Malgré sa naïveté, celui-ci s'acquitta fort bien de sa tâche et exécuta, mieux qu'on aurait pu l'espérer, les instructions qu'il avait reçues. « Les Delawares sont des femmes !» s'écria-t-il en s'adressant aux sauvages qui avaient une légère teinte d'anglais. « Mes compatriotes les ont sottement engagés à prendre le tomahawk et à en frapper leur père du Canada, et alors ils ont oublié leur sexe. Mon frère désire-t-il entendre le cerf agile demander ses jupes et le voir pleurer au poteau en présence des Hurons ?» L'exclamation « Ouf !» articulée d'un ton d'assentiment formel, annonça le plaisir qu'éprouvait le sauvage à être témoin d'une telle manifestation de faiblesse dans un ennemi si longtemps haï et redouté. « Alors que mon frère s'écarte, et l'homme savant soufflera sur le chien, dis-le à mes frères !» Le Huron expliqua les paroles de David à ses compagnons qui, à leur tour, écoutèrent ce projet avec la satisfaction que devait naturellement donner à ces hommes grossiers et farouches un tel raffinement de cruauté. Ils s'éloignèrent un peu de la porte et firent signe au prétendu sorcier qu'ils pouvaient entrer. Mais l'ours, au lieu d'obéir, resta assis sur son derrière et se mit à grogner. L'homme savant a peur que son souffle n'atteigne ses frères et ne leur ôte leur courage de même qu'aux prisonniers, continua David en prenant sur lui d'aller plus loin que ses instructions. Il faut qu'il s'écarte davantage. Les Hurons, qui auraient regardé un semblable accident comme le plus grand des malheurs, reculèrent aussitôt et prirent position hors de la portée de la voix, de manière cependant à surveiller l'entrée de la loge. Alors, comme s'il les eût crus suffisamment en sûreté, l'ours quitta son attitude et entra à pas lents. La cabane était silencieuse et sombre. Elle n'était occupée que par le prisonnier et ne recevait d'autre lumière que celle des tisons d'un feu qui s'éteignait et qui avait servi à la cuisine des sauvages. Uncas était dans un coin, dans une attitude penchée, les pieds et les mains solidement attachés par des liens d'écorce. Lorsqu'il aperçut l'animal, à peine daigna-t-il jeter un coup d'œil sur lui. Œil de Faucon, qui avait laissé David à la porte pour s'assurer qu'on ne les observait pas, jugea prudent de garder son déguisement jusqu'à ce qu'il eût la certitude qu'on ne viendrait pas troubler leur entrevue. Au lieu donc de parler, il s'amusa à contrefaire les évolutions de l'animal qu'il représentait. Le jeune Mohican, qui avait cru d'abord que ses ennemis avaient lâché contre lui un ours véritable pour le tourmenter et mettre son courage à l'épreuve, découvrit dans le jeu de l'acteur que le major avait trouvé si parfait certains défauts qui lui firent reconnaître l'imposture. Si le chasseur eût pu deviner le jugement défavorable que portait sur sa pantomime un tel connaisseur, il se serait sans doute piqué d'honneur et eût prolongé le divertissement. Mais l'expression méprisante des yeux d'Uncas était susceptible de tant d'interprétations que la mortification de cette découverte fut épargnée à l'amour-propre du digne homme. Sitôt que David eut donné le signal convenu, un sifflement sourd remplaça dans la loge les affreux grognements de l'ours. Uncas s'était appuyé contre le mur et fermait les yeux par dégoût d'un objet si déplaisant. Au bruit du serpent, il se redressa et regarda de tous côtés en baissant la tête, jusqu'à ce qu'enfin ses yeux, s'arrêtant sur le monstre velu, restassent fixés comme par un pouvoir magique. Le même son se répéta et parut sortir de la gueule de l'animal. Les regards du jeune homme errèrent de nouveau dans l'intérieur de la hutte et, se reportant sur l'ours, il articula d'une voix basse et étouffée l'exclamation habituelle. « Ouf ! Coupez ces liens !» dit Œil de Faucon à David qui s'approchait d'eux. Le chanteur fit ce qu'on lui ordonnait, et les membres du captif recouvrèrent leur liberté. Au même instant, la peau sèche de l'animal se détacha avec bruit, et le chasseur parut à découvert. Le Mohican parut comprendre, comme par instinct, le but du stratagème qu'avait employé son compagnon, mais sa voix ni ses traits ne laissèrent échapper le moindre symptôme de surprise. Lorsqu'Œil de Faucon eut dépouillé sa fourrure de circonstance, ce qu'il fit en dénouant quelques courroies, il tira un long couteau à la lame brillante et le remit aux mains d'Uncas. « Les Hurons rouges sont à la porte, » dit-il, « soyons sur nos gardes. » En même temps, il appuya la main d'un air expressif sur une arme du même genre. Il avait conquis l'une et l'autre dans la soirée sur les sauvages qu'il avait tués. « À présent, » dit Uncas, « partons. » « Où irons-nous ? » ?»« Chez les tortues, ce sont des enfants de mes grands-pères. »« Oui, mon garçon, » répondit son ami en anglais, car c'était la langue dont il faisait usage pour si peu qu'il fût préoccupé. « Le même sang coule dans vos veines, je le crois, mais le temps et la distance en ont changé la couleur. Que ferons-nous des Mingos qui sont dehors ? Il y en a 6, et ce chanteur n'est bon à rien. »« Les Hurons sont des vantards, » dit Uncas d'un air de mépris. Leur totem est un élan, et ils courent comme des limaçons. Les Delawares sont les enfants de la tortue, et ils devancent le daim à la course. Oui, mon enfant, il y a de la vérité dans ce que vous dites. À la course, je n'en doute pas, vous dépasseriez la nation tout entière, et vous pourriez arriver droit chez l'autre peuplade, et y reprendre haleine avant qu'aucun de ces coquins eût le temps d'en approcher à la portée de la voix. Mais la force d'un blanc réside plus dans ses bras que dans ses jambes. Quant à moi, je puis tenir tête à un Huron aussi bien que n'importe qui, mais s'il s'agissait de courir, les coquins seraient trop lestes pour moi. » Uncas, qui déjà s'apprêtait à sortir, revint sur ses pas et alla reprendre sa place au fond de la cabane. Œil de Faucon, trop préoccupé pour remarquer ce mouvement, continua à parler plutôt à lui-même qu'à son compagnon. « Après tout, dit-il, il n'est pas juste d'asservir un homme aux qualités d'un autre. Ainsi, Uncas, je vous conseille de tenter l'aventure, tandis que moi je vais rentrer dans ma peau d'ours et recourir à la ruse à défaut d'agilité. » Le jeune Mohican ne répondit rien. Il se croisa tranquillement les bras et s'appuya contre un des poteaux qui supportait le mur de la hutte. « Eh bien, dit le chasseur en le regardant avec surprise, qu'attendez-vous ? Pour moi, pendant que ces coquins vous donneront la chasse, j'aurai le temps d'agir. » Uncas veut rester. Pourquoi ? Pour combattre à côté du frère de son père et mourir avec l'ami des Delawares. Œil de Faucon lui serra la main dans une vigoureuse étreinte. Bien, mon garçon, si vous m'aviez laissé seul, vous auriez agi en Mingo plutôt qu'en Mohican. Il est si naturel à la jeunesse d'être attaché à la vie que j'ai cru devoir vous faire cette proposition. Bah, à la guerre, ce qu'on ne peut faire de vive force, il faut le demander à la ruse. Couvrez-vous de cette peau, je suis sûr que vous jouerez l'ours presque aussi bien que moi. » Quelle que pût être l'opinion particulière d'Uncas sur leurs talents respectifs en cette matière, sa contenance grave n'annonça aucune prétention à la supériorité. Il se hâta de revêtir en silence la dépouille de l'animal, puis il attendit les ordres de son vieil ami. « Maintenant, mon brave, » dit Œil de Faucon en s'adressant à David, « un échange d'habillements vous sera avantageux, car vous n'êtes pas habitué aux intempéries du désert. Tenez, prenez mon bonnet et ma blouse de chasse, et passez-moi votre chapeau et votre couverture. Ah, j'ai besoin aussi de votre livre et de vos lunettes, sans oublier le turlututu. Si nous nous revoyons dans une meilleure passe, je vous rendrai le tout en y joignant mes remerciements par-dessus le marché. » David lui remit les différents objets qu'il venait de nommer avec un empressement qui eût fait honneur à sa libéralité si, sous plus d'un rapport, il n'eût gagné au change. Œil de Faucon fut bientôt revêtu de son nouveau costume, et lorsque ses yeux mobiles et perçants furent cachés sous les larges verres des lunettes et que sa tête fut couronnée du castor triangulaire, comme leur taille était à peu près la même, il put raisonnablement, à la clarté des étoiles, passer pour le chanteur. Alors il lui demanda à brûle-pourpoint, en praticien qui veut connaître à fond la maladie avant de prescrire une ordonnance, « Avez-vous beaucoup de penchant à la poltronnerie ?»« Mes habitudes sont paisibles, et mon caractère, j'ai lieu en toute humilité de le croire, est grandement incliné vers la paix et la charité, » répondit David, un peu piqué de cette attaque directe adressée à son courage. « Mais nul ne peut dire que, dans les plus grands périls, j'ai perdu ma foi dans le Seigneur. Écoutez, votre moment le plus terrible sera celui où les sauvages s'apercevront qu'on s'est moqué d'eux. S'ils ne vous assomment pas sur place, votre infirmité d'esprit vous protégera, et vous aurez de bonnes raisons de vous attendre à mourir dans votre lit. Si vous restez ici, il faut vous asseoir dans l'ombre à la manière d'Uncas, jusqu'à ce qu'on vienne à éventer la mèche, et alors, comme je vous l'ai dit, ce sera le moment critique. Choisissez donc de faire une sortie avec nous ou de rester ici. » « Je resterai, » dit David d'un ton ferme. « Je prendrai la place du Delaware. C'est un cœur vaillant et généreux. Il s'est battu pour moi, et je ferai pour lui ce que vous me demandez, et plus encore si cela est nécessaire. » « Vous venez de parler en homme, » reprit le chasseur, « et en homme qui, avec une meilleure direction, aurait pu faire quelque chose de mieux qu'un chanteur. Baissez la tête et repliez vos jambes, leur tournure pourrait nous trahir trop tôt. Gardez le silence aussi longtemps que vous pourrez. Il ne serait pas mal, quand vous parlerez, de brailler tout à coup un de vos cantiques, ce qui servira à rappeler aux Indiens que vous n'êtes pas tout à fait aussi responsable de vos actes que le commun des mortels. Si néanmoins il prenait votre chevelure, ce qui, je le crois fermement, n'arrivera pas, soyez assurés qu'Uncas et moi ne vous oublierons pas, et que nous vous vengerons comme il convient à de vrais guerriers, à des amis sincères. » « Arrêtez !» dit David, voyant qu'ils allaient le quitter sur cette assurance. « Je suis le disciple humble et indigne d'un maître qui n'a pas enseigné le damnable principe de la vengeance. Si je viens à succomber, n'immolez point de victime à mes mânes, pardonnez plutôt à mes meurtriers, et quand vous penserez à eux, que ce soit pour demander au Seigneur dans vos prières leur conversion et leur salut éternel. » Le chasseur hésita et parut réfléchir. « Il y a là un principe différent du code des bois, » dit-il, « et cependant il est beau et fait naître de nobles réflexions. » Puis, poussant un profond soupir, probablement l'un des derniers que lui arracha le regret de la vie civilisée qu'il avait depuis si longtemps abandonnée, il ajouta « C'est un principe que je désirerais moi-même mettre en pratique, comme un homme de pur sang que je suis, mais il n'est pas toujours commode d'agir vis-à-vis d'un sauvage, ainsi qu'on le ferait avec un chrétien. Dieu vous bénisse, l'ami, tout bien examiné l'éternité devant les yeux, m'est avis que vous n'êtes pas loin de la bonne piste, quoique cela dépende beaucoup des dons naturels et de la force des tentations. » Ce disant, il prit la main de David et la lui serra cordialement. Après cette marque d'amitié, il sortit de la cabane accompagné du nouveau représentant de l'ours. Du moment qu'œil de faucon se vit sous les regards des Hurons, il donna à sa haute taille la tournure raide de David, étendit un bras pour marquer la mesure, et se mit à entonner ce qu'il croyait être de la psalmodie. Heureusement pour le succès de cette entreprise délicate, il avait affaire à des oreilles peu accoutumées à l'harmonie des sons, sans quoi la ruse trop grossière eût été bientôt découverte. Il fallait absolument passer à une proximité dangereuse du groupe des sauvages, et à mesure qu'il en approchait, le chasseur élevait de plus en plus la voix. Lorsqu'il fut tout près, le Huron qui parlait anglais allongea la main et arrêta le faux maître de chant. « Ce chien de Delaware, dit-il en cherchant à lire à travers l'obscurité dans les traits d'œil de faucon, est-il effrayé? Les Hurons entendront-ils ses gémissements ? » Là-dessus, l'ours gronda d'une façon si naturelle et menaçante que le jeune Indien lâcha prise et s'écarta, ne sachant trop si l'ours qu'il voyait marcher devant lui était faux ou véritable. Œil de faucon, qui craignait de se trahir à la voix, se hâta de profiter de cette interruption pour lancer une nouvelle explosion musicale qui aurait déchiré les oreilles d'hommes plus civilisés. Mais parmi ses auditeurs, cela ne fit qu'ajouter au respect qu'il ne refuse jamais aux créatures privées de raison. Tous se retirèrent à l'écart et laissèrent passer ceux qu'ils prenaient pour le sorcier et son aide inspirée. Il fallait toute la fermeté d'âme d'Uncas et du chasseur pour continuer leur chemin du pas lent et grave qu'ils avaient pris en longeant les habitations du village, surtout lorsqu'ils s'aperçurent que, la curiosité étant la plus forte, les Hurons s'étaient rapprochés de la hutte afin de s'assurer de l'effet qu'avait produit le sortilège. Le moindre mouvement d'incurie ou d'impatience de la part de David suffisait à les trahir, et le temps leur était absolument nécessaire pour se mettre en sûreté. Aussi œil de faucon jugea-t-il à propos de redoubler d'efforts, et il fit un vacarme à réveiller toute la tribu. Des curieux se montrèrent à la porte de leur cabane, et plus d'un guerrier, poussé par la superstition ou par la vigilance, alla jusqu'à eux pour les reconnaître. S'ils n'eurent point à vaincre d'obstacles sérieux, ce qu'ils avaient pour sauvegarde les ténèbres de la nuit et la hardiesse de leur entreprise. Enfin, le village était à quelque distance derrière eux, et ils touchaient à la lisière du bois, quand un grand cri s'éleva de la loge qui avait servi de prison à Uncas. Le jeune Mohican se leva et agita sa fourrure, comme si l'animal qu'il représentait allait faire quelque attaque désespérée. « Arrêtez !» dit le chasseur en prenant son ami par l'épaule. « Voyons s'ils recommenceront. Ceci n'est qu'un cri de surprise. » Il n'avait plus une seconde à perdre, car aussitôt d'affreux hurlements remplirent les airs et retentirent d'un bout à l'autre du campement. Uncas jeta loin de lui sa peau d'ours et œil de faucon se glissa dans un fourré. « À présent, dit-il, que les démons empaument notre piste. Deux d'entre eux, au moins, y trouveront la mort. » En même temps, il retira de dessous les broussailles deux carabines et leurs accessoires. En ayant donné une à Uncas, il brandit en l'air son percedin. Puis, frappant légèrement sur l'épaule du jeune Mohican, il prit les devants. Chacun d'eux tenait son arme de manière à s'en servir sur l'heure, et bientôt ils disparurent dans l'épaisseur de la forêt.